dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais. C'est Kenji. I love Energy so much. Sur Energy. C'est DJ Snake. C'est Jennifer. Bonnes vacances. Sur Energy. Sur Energy. So come.

que pour toi il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve, que je regrette de ne pas avoir été là. Là, là. Égoïstement, je vivais mon rêve à 200%, jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente. Tristement, j'ai appris que tu avais rejoint le Tout-Puissant. Je viendrai te chercher pour te dire ce que je n'ai pas pu de ton vivant. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève, alors que pour toi il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve, que je regrette de ne pas avoir été là, là, là. Je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, mais c'est toi qui es tombé. Si je t'ai déçu, pardonne-moi mes absences. Si tu savais comme je m'en veux. Pardonne-moi, je t'ai perdu. Je n'ai pas saisi l'importance. J'aurais tant aimé te dire adieu. Parce que je courais, je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. C'est toi qui es tombé. Je courais, je remettais à demain. Je courais, mais c'est toi qui es tombé. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. crash. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. So I've loved and I've lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Yeah, for that I say thank you. Next, next, thank you. Next, next, thank you. Next, I'm so fucking grateful for my ex. Thank you. Next, next, thank you. Next, next, thank you. Next, I'm so fucking spend more time with my friends. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Go make that shit last. God forbid something happens. At least this song is a smash. tout frais dans la playlist Énergie. Banks and Ronks, Zao et Sean Paul. C'est action vérité, t'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute, qui de nous deux claquera la porte. On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. The day is incredible. Try lock you up for your rage is staple. Bull be a stun like them name Carnival. Do your bad things that I feed them ego. Turn around, tell them are you real amigo. Bad problem, bad problem. Say what they have. Ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. Remballe ton ego. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Like, quiero esta noche entera para recortar los tiempos en la escalera. Dile que

can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Attention. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'd only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Ça dans l'ADN. Ah ouais, ah ouais. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Na, na, na, na. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. Na, na, na, na. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Ah ouais, ah ouais. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc, obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens. Zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Leyenda. Feel right. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Dans la playlist Énergie. C'est Sia. I love Énergie so much. Lost you

nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar. Déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages, là je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel d'une note passée. Penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à haut. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à haut. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à haut. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la to Aura on NRJ. NRJ. NRJ. I love you. It's music only. I should have stayed with you last night instead of going down to find trouble. That's just trouble. Yeah. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. Too real, and every time I feel I sabotage it, I start running.

gagner votre enceinte connectée avec le double kit Énergie. Hey, what's up Énergie, c'est DJ Snake. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux titres de DJ Snake à la suite, appelez Énergie 3937 et gagnez votre enceinte connectée Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps. Énergie, hit music only. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. bitches. Bitches. Jérémy Frérot. Hit music, hit music only. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance. Toi, t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas quand tu me le dis.

waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust, breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in, shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones. You know, don't make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, I don don't. Said it's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit right in. Oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, oh, oh, oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, oh, oh, oh. I'm radioactive, radioactive. All systems go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. She's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes. She messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. Cause she tastes so sweet. Don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, no, no, no. Don't say yes, yes, yes. Cause she messing with. Bye. Frey dans la playlist Énergie. XXXTentacion et Maluma. Yeah.

This is Lady Gaga. This is Drake on NRJ. C'est Big Flo et Oli sur NRJ. C'est Jay. I'm Shawn Mendes. Happy holidays on NRJ.